てる。 23 hours, 1 minute, coordinated manner. Thank you. coordinated universal time. Thank you. at the dawn, 23 hours, 3 minutes, coordinated universal time. Producteur de génie, roi du dub, fou furieux, l'Hyperi, le Dali du reggae, Trax rencontre une légende bien vivante. Écoute, je me fabriquais des guitares en bambou quand j'étais gamin. J'avais appris à construire des guitares en bambou avec des cordes. Les gens jouaient. Music Papa. Where's Mama? J'ai pas mis les pieds dans un studio avant 26 ans. Ma vie n'était pas dans les studios, j'étais de la campagne. Et je voulais écrire des chansons sur les choses que je voyais autour de moi. Alors, j'ai débarqué à Kingston et j'ai été voir le producteur Blue Green. Thank you. Thank you. dawn, 23 hours. Thank you.